Bienvenue en 2030 glorieuse. Bon voyage. Je dirais que il y a eu un point de bascule il y a quelques années quand il y a eu je dirais pas un débat, mais un temps collectif de prise en compte de la situation de l'écosystème médiatique en France. Heureusement, on n'a pas fait de grand débat national là-dessus, parce que voilà. Mais on a réussi, avec la société civile, à organiser des temps de réflexion partout en France sur pourquoi est-ce que le système actuel médiatique pose question, et ça aboutit à une loi anti-concentration des médias qui a donné aujourd'hui, je pense, un paysage médiatique beaucoup plus divers et sain. Donc ça, c'est peut-être le premier temps. Et puis le deuxième temps, c'est quand même la chute libre de Donald Trump et Elon Musk aux États-Unis, où il y a eu une prise de conscience collective qu'en fait, ils ont eu, enfin, Donald Trump a fait l'objet d'un impeachment, et ils ont eu et en fait, je pense qu'il y a eu une vraie prise de conscience du fait qu'il fallait arrêter de faire n'importe quoi avec les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle et la façon dont on traite son prochain. Merci d'avoir voyagé avec nous en 2030 glorieuse. Si vous voulez continuer à muscler vos utopies, rendez-vous sur 2030glorieuse.org pour explorer la galaxie utopiste que nous mettons à votre disposition avec créativité, enthousiasme, humour et amour. Vous pourrez découvrir des méditations utopistes, des livres et pourquoi pas d'autres épisodes du podcast 2030 Glorieuse qui existe depuis plusieurs saisons déjà. Surtout, les 2030 Glorieuses, c'est un atelier d'intelligence collective qui permet de reprendre le pouvoir des imaginaires. Cet atelier peut se réaliser partout en France, voire même en Europe ou en ligne. Et si vous le souhaitez, vous pouvez devenir guide de voyage en 2030 Glorieuse pour rejoindre la communauté des centaines d'utopistes qui sont déjà tout autour de vous sans le savoir.